Et pouf, et ouais, bah les gars, c'est l'heure de commencer Pyongyang City Rockers. C'est la 351e émission de la série, alors que l'animation va s'en plaindre dans le hall de Radio Campus. Ce soir, il y a Gaël, je le vois là-bas, il est en train de fumer sa clope à l'entrée. Et puis, on est à 3 avec aussi Laurent Astroïde. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, Laurent, tout pour, hein. Ouais. Ça va, c'est bien ça. Ah ouais, t'as pris le 5. J'ai pris le premier qui venait. Ouais, ouais, non mais je m'étais trompé. Ouais. Merci c'est de bon. M'accueillir en tout ouais. Cas. Hein, bon. Bonjour. On est bien RTL. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci, bah ouais. T'as entendu avant là, la vermine communiste que vous retrouverez la semaine prochaine à 18h30. Ouais. C'est l'heure de le mettre. Ça sera l'heure de le mettre et maintenant c'est l'heure de passer de la musique de sauvage dans vos petites oreilles qui n'ont pourtant rien demandé. Petit clin d'œil aux copains de Jodie Foster qui sont actuellement en tournée Allemagne, Pologne, Pays Baltes, Finlande, je crois. Je crois que ce soir ils vont jouer quelque part en Estonie. Et donc voici un groupe estonien pour leur faire plaisir. Peut-être. Conflict OK avec leur chanteuse qui chante bizarrement. Le titre, c'est encore un truc qui est pas forcément pour la police. Politsei. C'est un jeu de mots parce que ei en estonien, ça veut dire non. Enfin, ou pas. Enfin, bref. Donc, ils sont contre la police. Ah, poète, poète. Politsei par Conflict OK. Poète, ah non, ah, arrêtez. Comment allez-vous, Gaël? Ouais, chez les aristos, ça se vous voit, c'est ça l'histoire. Là, c'est bon, ça devrait être bon. Là. Moi, je suis pas aristo, qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, ça se vous voit, là, c'est bien. Oui, on a une espèce d'aristocratie, si tu sais. Ça s'appelle du respect, c'était ouais. Stéphane, j'allais dire, Laurent. Ah, tu le traites de Stéphane, fais gaffe, il va mal le prendre. Bon, c'est à moi, là, c'est ça, hein. Mais ouais, t'es arrivé. Alors. Allez, comme à chaque fois qu'il y a un nouveau morceau de Rix, ben, je sais pas faire sans vous le proposer. Rix, c'est le genre de groupe que tout le monde kiffe, dont on est sûr que quand ça va cliquer pour la première fois sur le lien, bah, ça sera du lourd. La faute à qui? La faute à Maxime Smadja. Ce type qui est derrière les fûts du groupe et qui compose. Il joue dans des groupes éphémères, mais pas que comme Boss, Condor, Digital Octopus ou encore ben, Rix. Plus jeune, on a pu le voir dans des groupes tels que Haute Couture, Youth Avoiders, Black Spirals, Noisy Champs ou encore Skate Gang. J'ai tout, enfin je connais tout, sauf Noisy Champs. Bah, tous les autres sont venus passer à Lille. Moi, je connais qu'un ou deux là-dedans. Non, deux ou trois. Alors, je mets qu'il y a de la bouteille, du talent, et c'est tant mieux pour nous. Ouais, quand même. Faut le dire. Alors, revenons vite, Zef, au morceau que je vais vous passer. Tir groupé. Si on me l'avait fait écouter sans me dire quel était le groupe, j'aurais mis ma main, plutôt qu'autre chose, à couper, que c'était un nouveau morceau de Condor. Et bah, heureusement que je l'ai écouté, car il s'agit d'un nouveau morceau de Rix. J'ai mal dit mon truc. Et bah, heureusement que je l'ai écouté seul, dis donc, car il s'agit bien d'un nouveau morceau de Rix. Oui. Ce morceau sera est dispo depuis quelques jours, c'était pour la semaine dernière, sur un 7 pouces accompagné de 3 autres morceaux sur le label anglais La Vida Es Un Mus, qui coûte une burne, 15 balles. C'est quand même le truc général avec La Vida. Alors, je vous invite à squatter le Bandcamp, ce sera bien moins cher, et à prendre les paroles au plus vite, car un de mes informateurs flamands m'a dit que le groupe jouait déjà le morceau sur scène. Et dernier petit truc sur ce morceau, il n'y a pas de batteur. Le batteur est à la gratte. Ripoll pourrait peut-être postuler pour un nouveau groupe. Rix, tir groupé, PCR 106,6, baston. Popoy. Super, voilà. Oh là là, je te jure. Ah, c'est quand même plus Condor que Rix. Hein. Ouais. Et batterie électronique. Ouais, chant différent. Il y a rien. Il cherche de la recette originale. Il cherche un son définitif, peut-être. Voilà. Pendant ce temps, ça crie toujours dans le hall. Vous êtes bien à l'antenne de Radio Campus. Une sécu ou pas ici? Oui. Elle vient d'arriver. C'est quoi le numéro? Appel Rix. Radio Campus, vous écoutez Pyongyang City Rockers. Et normalement, on devrait avoir un Laurent qui devrait nous présenter un truc. Un truc, tiens. Présenter, c'est vite fait. Alors, moi, je vais pas faire comme. Non, mais pourquoi t'es venu? T'es venu pour présenter les trucs que t'écoutes actuellement. Je suis en train d'expliquer ce que je suis venu faire. Excuse-moi. C'est le mois d'août, ça se fait un peu chier, ça déserte un petit peu les locaux. Ah oui, j'ai dit quand tiens. Quand tu fais chier, tu viens ici, quoi. Non, je parle pas de moi, je parle ici. C'est déjà la même chose pendant la couffaine. Donc bref, j'ai dit allez, je vais les divertir, ils me font un peu pitié là ces mecs. Et non, donc voilà, moi je passe juste des morceaux qui me font kiffer en ce moment. Donc je suis pas trop dans la recherche et la d'un morceau tiens, bon, oreilles, tu vas voir, mets bien ton casque, hein, accroche-le bien. Il y a qu'une seule oreille qui fonctionne. Tu vas voir, tu vas te décaloter mon petit. Alors Alors, il me cherche, attends, ça va pas aller. Hein. Et donc voilà, il y a j'ai repéré 3-4 groupes, j'ai vu Steph, il m'a dit bah tiens, passe à campus, du bois, ça peut être marrant, non, voilà, c'est machin. Pas vrai, c'est toi qui m'as dit que t'avais envie de passer, je dis bah si tu veux, mais bon. Ouais, c'est vrai, mais tu m'avais dit avant, déjà il y a quelques semaines, un jour ce serait ça. Réglez vos comptes après, là, on a l'antenne. Alors, il y a aussi de l'actu avec Astéroïde, on en parlera peut-être tout à l'heure, donc c'était aussi un peu l'idée. Mais voilà, donc pour l'instant, là, j'ai un groupe qui vient. Ah, j'ai pris des petites notes et tout. Hein, je me crois réanimateur de radio. Donc le groupe s'appelle Long Knife et ils viennent de Portland, Oregon. Alors j'ai noté un peu ce qu'ils ont noté ils sur ont le. Ils ont des pochettes somptueusement blanches. Ouais. Vraiment, on dirait un truc de hard rock des années 80. Ouais, c'est pas grave. Mais ils carrément, ont juste des estampillés Portland, donc déjà. Ouais. J'ai tout simplement pompé ce qu'ils ont inscrit sur le Bandcamp. C'est plutôt pas mal, je trouve que ça résume bien le groupe. Imaginez Kiss jouant Poison ID avec une bonne quantité de hardcore japonais et même un peu de hardcore britannique. Et je trouve que c'est pas mal. En fait, je trouve qu'il y a un savant mélange. Il y a bien longtemps que j'ai pas entendu un groupe de punk aussi novateur, et pourtant c'est pas si nouveau que ça. Bon, là, le morceau qu'on entend vient de 2022. Moi, ça m'a complètement tapé les oreilles. J'écoute ça en boucle là depuis quelques jours. Je suis dans une période punk, j'ai des périodes rocksteady, reggae ou autre. Bah là, voilà, je suis à fond dans la distorsion et ce groupe-là m'a complètement frappé la gueule. Et voilà, dans Astruid, j'ai fait écouter aux copains et on en pense à peu près la même chose. Alors, le morceau s'appelle Scum. Scum. Oui. Franchement, putain, bien. Là, tu gesticules dans tous les sens. Tu gesticules. Alors, ces mecs-là, ils n'ont pas 10 pouces, ils n'ont pas de bras gauche. Franchement, ça joue sévère. C'est des musiciens, mais des musiciens, souvent, ça peut être chiant. Là, ils ont réussi à rassembler l'énergie. Tu entends qui dit ça, hein? Ouais, mais c'est vrai, un musicien, ça peut être chiant, quoi, quand c'est trop scolaire. Bref, là, ça vient des tripes. On sent bien qu'il y a, voilà, y a du riff, y a du clavier, c'est hyper large, il n'y a pas trop de barrières. Enfin, bref, moi, ça m'a tapé la gueule bien comme il faut et ça continue. Et alors, on voudrait savoir, il y a des gens qui peuvent nous téléphoner au 03 62 26 89 18 pendant les plages musicales pour nous dire si en effet il serait déjà passé Long Knife au Pit il y a quelques mois, années, semaines. J'ai regardé la photo du chanteur, ouais. Ça me dit quelque chose quand même. Ouais. Bah, s'il repasse, tu m'avertis. Mmh. Hein. Et ouais, bah, ils repasseront. S'ils sont déjà venus, ils reviendront. Voilà. Donc, c'est Ludo de Goura, hein, le copain là, qui m'a fait découvrir ce nom-là. On était en train de boire des coups à Wasm tranquille le soir où tu étais là. Oui. Et voilà, quoi, dans une discussion informelle, des fois, je note des petites choses. Et celui-là, je l'ai noté, j'avais peur de l'oublier. Tu n'es pas encore trop bourré, c'est ça? Je ne bois pas suffisamment pour être saoul. Eh bien, encore un truc. Moi aussi, je fais du rattrapage. Hein. Toi, tu as rattrapé un truc que tu as passé la semaine dernière. Moi, c'est un truc que je dépassais il y a. Non, la semaine dernière aussi, Escalpo qui sont passés au Pits le 8 août dernier, il me semble, qu'il paraît que c'était vachement bien, j'ai entendu ça, vu ça, ou je sais plus, bref, lu. Voici donc deux titres, premièrement, ça parle d'esclavage auto-imposé, escravidant auto-imposta, et ensuite, quand t'es esclave, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes par terre, Oyando Prochant. Ou tu t'enfuis. Non, là c'est Oyando Prochant, ça veut dire regarder par terre, parce que tu ne lèves jamais les yeux. Et voici donc Escalpo sur Campus 106,6 et Pyongyang City Rockers. Ouah. Escalpo, c'est bien. Ouais. D'ailleurs, il y avait Matraque Attack ici dans le studio ce lundi qui vient de passer. Ouais, j'ai entendu, ouais. Elle n'était pas là. Non. Bon, et puis il y avait aussi Chlore. C'était bien, Chlore. C'était encore plus. Ouais. Ah ouais, bah ouais. Ouais, bon. C'est trop pas pour moi. C'est pas ton truc. Je vais te mettre un truc pour moi, là, bien mis de tempo et tout. Un morceau extrait du deuxième volume de la compilation Stronger Than Before, sorti par le label Battlescarred Records. Alors on y retrouve six groupes qui font pas mal parler d'eux ces derniers temps. Il y a trois groupes américains, Castillo, qu'on a déjà passé, Legend 76, qu'on a déjà passé, Sidadao, qu'on a déjà passé. Un Canadien, The Enforcers, qu'on a déjà passé. Ouais. On est carrément à la pointe de chez Battlescar Records. Et aussi, à la pointe. Il y a aussi deux groupes européens, Comintern Sect pour la France et Armistice pour les Pays-Bas. Donc Armistice avec un mec de Savage Beat, un mec de Crown Court, tous ces trucs-là. Oui. C'est un mix hollando-anglais. Donc 6 groupes dont 5 morceaux inédits. On retrouve le morceau de Castillo sur leur dernier EP sorti chez Mendeku Disca il y a quelques semaines. Alors vous vous en doutez, je vais vous passer le groupe qui chante en français. Ils n'ont pas compris. Comintern Sect sur Radio Campus Lille 106,6. Et comme on dit souvent, oi. ils sont devenus bons, hein, comme une terre de sac. Bah, après, le son, après, hein, les années 80. On en parlait en off, le son, il fait beaucoup, et les contours sont terribles. T'as quand même Tomoy à la batterie, puis... voilà, qui balance. Enfin, ça joue, c'est vraiment, c'est des purs morceaux, comme une terre, sur les derniers albums, quoi. Non, puis, ouais, c'est pas uniquement le fait du son, hein, c'est que aussi, Voilà. Mais on parlait de ça, la différence avec l'époque, quoi. Et finalement, on va comprendre. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ce que je peux te proposer encore, c'est pareil, je découvre un petit peu là dernièrement Chubby and the Gang. Bon, vous connaissiez visiblement. Ouais. Gaël est tombé sur le vinyle que j'ai ramené. Là, t'as fait le coup quand même, parce qu'il y a un macaron sur le vinyle qui a attiré l'œil tout de suite. Voilà, aussi bien le mien que celui de Gaël d'ailleurs. J'ai passé quelques jours à Berlin au mois de mai, juin, je sais plus trop là. Ouais, et bref, je me la pète, je vais à Berlin. Mais non, c'est ma première fois. J'espère pas la dernière, parce que c'était vraiment kiffant. Berlin, c'est vraiment cool. Et, tout un monde alternatif là, surtout dans les quartier, j'ai perdu le nom, mais enfin peu importe, tout le monde reconnaîtra pour ceux qui connaissent. Le morceau donc Chubby and the Gang, je trouvais à 5 euros le vinyle dans des bacs là-bas. Bon, j'ai écouté avant de l'acheter, je fais putain, c'est vachement bien. Bon, j'ai choisi un morceau, sachant que tout l'album est plutôt pas mal, c'est pas le dernier, c'est celui de 2020. Il y en a eu un autre après, au moins un. Le morceau s'appelle Union Dudes. Dudes, j'y arrive, il n'y a pas de D. Voilà, ils sont de Londres. C'est parce que tu dois payer ta cotisation syndicale, c'est ça que ça veut dire. D'accord. Ouais. Okay. Ça veut dire cotisation syndicale, je te jure. Ouais, non, mais je te crois, dois la payer. Avec mon anglais approximatif, je vais pas te contredire. Hein. Ou alors vraiment, vraiment avec mon esprit de contrariant. On en profite pour dire aux gens qu'il faut pas être contrariant et qu'il faut se syndiquer. Ah, mais c'est important. C'est important. Hein. Voilà, allez voir en Italie s'ils sont contents de plus avoir de syndicat avec Mélanie, bon, on en parlera. Youpi. Voilà, donc des Anglais. Bon, évidemment, le rock, l'Angleterre, le punk, l'Angleterre. Ouais. Donc là, on a Set Touch. J'y vais? Tu peux y aller, mon ami. Oui. Vous venez d'écouter Itchies, les Anversois, avec Master of Time. C'est sorti, ce titre-là, il est sorti il n'y a pas longtemps. C'est pas mal. Au mois de mai, au mois de juin, je ne sais plus. Bref, et pour écouter ce genre de choses, vous branchez sur Campus le mardi à midi jusqu'à 14h. Il y a I Smell a Rat avec, sur Stubru. Avec notre président. Non, non, il faut d'abord écouter le mardi de 12h à 14h. I Smell a Rat. Voilà. Vivement le 20 septembre, mes chers grands leaders. Oui, que bagasse, mais car dans un mois, il y a ce nouveau disque de la Inquisition qui sort. Il s'appellera Mundo Invisible. Ça sera le troisième album des Barcelonais et ça sortira, comme les précédents, sur HFM & Crew. Donc ça sautera peut-être à la fin. Parce qu'ils ont une particularité, c'est que les disques continuent à tourner, mais en claquant. Clac, clac, clac. J'ai horreur de ça! HFMN, je ne sais pas où vous allez presser, mais c'est de la merde. C'est une marque de fabrique ou enfin, ils tous comme ça? Bah, tous mes crimes, tous mes Inquisition, ils claquent à la fin. Mais bon, c'est comme ça. Moi, j'en ai un, je pense. Je trouve que j'ai un crime. T'écouteras. Ouais. Non, d'accord, mais je pensais pas que c'était tous les disques comme ça. Quoi. Ils sont cons, quoi. Alors, si jamais vous les avez jamais vus sur scène, bah, je vous conseille de checker leurs prochaines apparitions scéniques, car c'est vraiment béton en live. Moi, je vais même aller me taper 900 bandes pour aller les voir. C'est dire, si je kiffe ce groupe. Je vous envoie le morceau promo de ce nouvel album Sombra y Luz, Ombre et Lumière, tout de suite dans ton PCR. Oui. Ah là là. Vous écoutez The Pyongyang City Rockers sur Campus 106,6. Le 351e du nom. Ouais. Et maintenant, Laurent. Et maintenant, toujours, bah voilà, un petit groupe des copains. Ça s'appelle Ecchymose. On a passé quelques soirées ensemble. Manu, le guitariste, quand Astroïde est sorti, on s'est rencontrés. Il a mis un peu de moyens sur la coprod sur le premier album. Il en remet sur le deuxième qui vient de sortir en juillet et sur le troisième. Enfin, il y a volume 1 en juillet, volume 2 février, mars 2025. Voilà, il participe en tant que coprod avec son label Zone 11 et il fait un groupe il s'appelle Ecchymose. Le morceau que j'ai choisi Ecchymose. Le morceau s'appelle Je suis transparente. C'est des textes en français, ça chante en français. Moi j'aime beaucoup le punk rock français quand il est bien exécuté. Et ce morceau, voilà, chaque soir on l'a écouté quand on a joué ensemble et il nous est bien rentré dans la tronche là, Astroïde au groupe. Et donc c'est un chant féminin. Les textes sont plutôt bien chiadés, voilà, donc souvent un peu sombres, mais bien écrits. Voilà, donc ça fait limite plaisir à les entendre. Ça te fait plaisir que les gens ils fassent des textes sombres. Bah ouais. Bon. Après tout, ça fait partie, voilà, dans les émotions, ça fait partie, la tristesse, la colère, la joie, ça en fait partie. Et bah ouais. On va pas donc, s'empêcher voilà, d'écouter des groupes de Brest et de Lille. Et, donc, et je pense que dans le punk, on pourrait pas de toute façon. Et je pense que dans le punk, il y a un rayon quand même, hein, dans, oui. dans la tristesse, le malsain, le je racle le fond et ça va français, pas très bien. Ouais. Punk français. Ben peut-être, je sais pas, je connais pas forcément tous les punks du monde, mais moi j'habite ici, je vis le punk ici si plus que d'ici, parle comme ici. Voilà, d'ici en France, ça bouge ouais. quand même, hein, évidemment. Voilà, donc le morceau s'appelle Transparente, c'est 2 minutes 25 de tristesse. Non, je plaisante. Il est plutôt bien. Penser tant d'énergie à faire croire que j'étais en vrille. Je suis transparent. Oh, je suis transparent. Dissimuler toutes ces névroses, mettre les cauchemars. Pleurer sans tristesse, je peux aussi rire en détresse. J'ai dépensé tant d'énergie à faire croire que j'étais en vie. Je suis transparent. Oh, je suis transparent. Je suis transparent. Oh, je suis t'as un problème, si, si. Bah, t'as un si, problème à ton Bandcamp. Ah, ouais, bah, je suis pauvre. C'est pour ça que t'as pas le timing. Net, à mon avis, j'ai rien fait, moi, je vous jure. Bon, bah, il y a une petite couillonnade, le morceau a été coupé malencontreusement. Ouais, ton Bandcamp, il est bizarre, il n'y a pas le timing, il n'y a rien du tout, alors que sur Laurent, il y a tout. Mon. Voilà, ah, donc il y avait la belle voix éveillée. Sur un navigateur internet. Désolé, Coco, Ludo. Voilà, Coco, désolé, avec la voix éraillée qui marque bien l'esprit. Enfin, voilà, ce groupe me fait kiffer, puis j'adore les personnes, on a passé des pures soirées. Et on se reverra en plus là prochainement vers novembre. Donc ils sont de Chaumont, hein, on en parlait voilà. en off. Ils viennent de Chaumont. C'est voilà. assez rare pour le souligner. C'est vrai. Ils n'étaient pas de Chaumont, mais de quelque part au fin fond de la Finlande. Le pays du monde où il y a le plus de groupes dans des villages totalement improbables qu'on tu te dirais ils ont même pas l'électricité. Si, il y a des punks quand même. Donc là, Jody va jouer là bientôt. Ouais, bah ouais, bientôt ils y arrivent là. Demain ou après-demain. Ouais. Ouais, c'est ça. Là pour l'instant ce soir ils sont à Tartu en Estonie. Estonie. Ouais. Ils sont pas encore en Lettonie. C'était hier, ça, je crois. Non, c'était Lituanie hier. Ouais. Ah ouais, donc en fait, c'est demain qu'ils seront à Tartu. J'ai pu. Enfin, on comprend pas. On ne peut pas être punk et venir de la campagne, c'est ça l'histoire, si, la morale. J'ai pas bien compris. Là, si on peut, mais il n'y a pas de morale en plus. Enfin, c'est toi qui cherches une morale. Hein. Moi, dans mon patelin de 150 habitants, il y a le chanteur de Skapilsberger. Non, On fait le tour de savoir qui vient de la campagne et qui vient de la ville. Ce que je, bon, ce que je voulais dire, c'est que c'est un énervé endroit. Quand il est un petit peu rouge sur le bout de son nez, de ses bouts de joues, là, gars. Ouais, Marchienne, c'est pas la campagne. Marchie pas, toi. Mais je viens pas de Marchienne, qu'est-ce que tu racontes? C'était malade. Si, tu l'as dit tout à l'heure. Madame. La Bassé, moi. Ouais, la Bassé, LBC Crew. LBC, ouais. Salut les copains. Et donc, Upovis, ils sont tout seuls à 5, mais à 5, tu fais un groupe. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait, mais c'était la fin des années 70 et le début des années 80. Les voici disant que le principal, c'est de passer le cap de lundi soir, parce qu'après ça, on est déjà en week-end, vu que le lundi, c'est le jour de pire de la semaine. Moi, c'est le début de ma semaine. On est d'accord. Et donc, voici. Working class. Adieu. Voilà, voici. Adieu. Lundi déprimant, Hyvasti Masentava Manantai par Upovis, ça date de 1980. Enfin, boum. Moi, j'adore. Ouais, moi aussi. On peut classifier ça dans le pathétique punk, je pense. Hein. Oui. Ouais, carrément. Largement. Ouais. Comme ça, tu te rappelleras, Laurent. Ouais, merci beaucoup. On a fait beaucoup de choses ici. Hein. Je vais peut-être revenir. C'est chiant, en fait. Allez, encore un groupe outre-Pyrénées. Yeah. Night Puff est un groupe de Oi formé en 2023 par un seul membre. Un groupe d'Oi. L'ex-leader du groupe Brigados. Après avoir composé et enregistré ses deux premières chansons, il s'est entouré de deux ex-collègues de la scène, un provenant donc de Brigados aussi, et l'autre de Strike Back. Les compos abordent des thèmes épiques et fantastiques médiévaux. On n'a pas fini d'avoir des chevaliers sur nos pochettes et sur nos t-shirts, les gars. Oh, putain. Mais bon, c'est du tout bon, donc c'est expressément que je vous envoie le morceau Caballero Segador, ouais c'est ça, le Chevalier Faucheur, extrait de ce premier single 7 pouces, Radio Campus Lille, tout de suite, Night's Puff. Les cœurs, toujours les cœurs. Oui, c'est Pyongyang Styrokers avec ses cœurs jusqu'à 21h. Il nous reste 10 minutes. Et ça continue. J'ai encore le droit à un morceau, Patron. Oui, t'as droit à un morceau. Bon, bah alors là, c'est pareil. Bon, une petite histoire, voilà, avec Vinvin, le guitariste du groupe qui va suivre, qui s'appelle Mad Marx. Vinvin était le guitariste d'Eyoka. Avec qui, voilà, avec Toxic Quest, on a partagé un certain nombre de soirées, de concerts ces 30 dernières années. Donc là, il vient de reformer, enfin, depuis quelques années, un groupe, donc Mad Marx, depuis 3-4 ans. J'ai choisi le morceau, je sais plus, Assis Off of Me. Off of Me, voilà. C'est pas Never Trust a Cop ? Là, il est. Non. Bon, c'est, ça, bon. C'était l'autre. Mais j'avais mis petit 1, donc Off of Me. Okay. Et donc Vinvin la gratte sur ce groupe et au chant. À l'époque sur Eyoka, il était juste à la gratte parce qu'il y avait un chant féminin avec Sister qui chantait dans Eyoka. Voilà. Donc, c'était bien Eyoka. Ouais. C'était vachement bien Eyoka. Et en live et en album. Hein. Bon, ils ont, on peut dire, marqué l'histoire du punk rock français, hein, ça c'est clair. Absolument. Voilà. J'envoie ? Eh ben, je pense que tu peux envoyer. Alors, ils se connaissent aussi avec Ecchymose. En fait, Vinvin fait aussi un petit peu de son d'enregistrement. Donc, c'est pour ça on sortait le bel objet depuis tout à l'heure avec Gaël. On a le vinyle dans les mains avec les pochettes. Et... Profites-en pour dire un peu les labels sur lesquels ça va parler aux gens, quoi. On peut peut-être parler des labels. Canal Hystérique, tu as raison, je l'oublie trop souvent. Donc, il y a les copains de Canal Hystérique. On a Abracadaboum. On a donc de Bretagne. On a General Strike. Ancien parisien migré en Bretagne. Ah ouais, il est plus à Paris ? Non, il est à Rennes. D'accord. Thierry, Maloka, donc Jean-Jean, on est sur Dijon, donc évidemment, Mad Marx est un groupe de Dijon, comme Eyoka. On a Tapes from the Crypt et Zone 11, donc de Manu, qui est le guitariste de Ecchymose, qui a aussi un label, donc Zone 11. Ah, c'est lui, Zone 11, d'accord. Voilà. Tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Ouais. Allez, Mad Marx, Off of Me. Thank you. suis pas sûr. Je parle pas bien anglais, donc je sais pas si échafaud. Ah, on est à l'antenne, merde. Ouais, bah oui. Non, mais ça y est, on peut continuer. Hein. Ça, c'est une émission bistrot ici. Et il nous reste 3 minutes. Oh, bah, dans 20 secondes. 3 minutes de bonheur. Dans 20 secondes, je lance le reggae de fin. 3 minutes, on peut changer une vie. Absolument. Tu ouais. le sais, ça. T'en es conscience de ton pouvoir. Bah, ça m'est arrivé il y a 24 ans et 21 ans. voilà. Ah, ouais, d'accord. Oui, bah, ouais. Des fois, il s'évite trop vite. Ouais, ouais. Voilà. Des fois, ça prend plus de temps. Ouais, des fois, ça dépend. Eh bien, oui, c'était Pyongyang City Rockers que vous avez écouté, qui va bientôt se refermer sous vos oreilles ébahisées, écarquillées. Puis, bah, je lance. Hein. Ah, ouais, c'est la fin. Ouais. C'est toujours le dernier, ça, c'est ça? Ouais, enfin, souvent, je mets un riff. Histoire de calmer les ardeurs. Non, non. C'est pourquoi? Parce que tous les morceaux de reggae finissent en fade out. Donc tu sais pas si on coupe le morceau ou pas. C'est par fainéantise. Non, c'est par. Fourberie. C'est juste par incompétence. Peut-être que la table, il sait pas faire un fade out. Oui, enfin, mais non, mais si je suis incompétent, tout le monde le sait. Ça y est, là, c'est joue qui de reviennent tout rouge, regarde. Sur un morceau de punk, t'as les structures, tu vois, couplet, refrain, là, c'est tout dit du contre-temps, quoi. Il y a des morceaux de reggae qui ont une structure, quand même. Il y a des riddims aussi. Alors, d'ailleurs, c'est un riddim connu, mais je sais pas lequel. On dirait une émission de jazz. C'est Freddy McGregor, Beat Down Babylon. Ouais, c'est bon, hein. Je sais bien. On peut s'en foutre de ma vie et de ce que j'en pense, mais j'ai eu une grosse période rocksteady. C'est vachement bien le rocksteady. Ouais. C'est largé. Il y a quelque chose. Hein. Je sais qu'ici, en plus, en face à la MDE, là, il y a. À ce propos, un petit clin d'œil à Greg Daron, en espérant que ça se passe pour le mieux pour lui. On croise tous les doigts. Ouais. Allez, on va se quitter là-dessus. Allez. C'était Pyongyang City Rockers numéro 351. Le 352, c'est la semaine prochaine, mercredi, à partir de 20h, sur campus. Ne quittez pas l'antenne, il y a plein de choses bien. Et puis, on n'oublie pas. À cab. À cab. À cab.